L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Roland Houzet, vous êtes metteur en scène pour le spectacle, pour la pièce Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès. Oui. Spectacle qui sera donc à l'affiche pour deux représentations, le vendredi 21 avril et le samedi 22 avril à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Ça c'est pour le cadre. C'est, je crois savoir, la première fois que ce texte sera interprété par deux femmes, en fait au moment de la création qui a été, je crois, réalisée en 2015, c'est ça ? La création est arrivée en 2015, c'est ça, exactement. Donc, texte porté pour la première fois par deux femmes et particulièrement oui. deux comédiennes exceptionnelles. Alors d'abord, avant de parler des comédiennes, pourquoi ce parti pris de l'interprétation par deux femmes ? Et la raison principale de cette distribution, elle est portée par deux points. Le premier point pourrait être... de dégager une certaine forme d'universalité de la question fondamentale qui est celle du désir et qui est au cœur de la pièce, qui est la question du mystère, la relation à l'autre. Et pour se dégager, on va dire, des versions ancestrales, historiques, on va dire aussi, qui nous ont précédés, d'essayer de choisir un angle de vue où la thématique de l'auteur, comme celle que je viens de citer, qui est celle du désir, peut être exprimée d'une manière différente et beaucoup plus universelle. En tout cas, c'est ce qui en ressort d'un point de vue, de faire questionner ce désir par deux femmes et non pas par deux hommes tels qu'ont été les versions historiques qui nous ont précédés. Absolument. Un sujet, un propos qui est plus que jamais d'actualité, si j'ai bien compris. C'est clair que essayer de trouver dans le face-à-face comment, entre guillemets, mettre fin à l'autre, en tout cas le questionner, avec comment dans deux solitudes d'être, avec une question sous-jacente qui peut être commune à toutes les chances, c'est « qu'est-ce que tu me veux ?» et d'être obligé à l'autre de répondre par le discours et de reconvoquer cette thématique-là de la relation à l'autre, plus que jamais, et de la remettre sur l'établi pour ne pas perdre ce socle qui est sans doute la chose qui nous restera juste avant que la lumière s'éteinte. Mmh. Alors, il faut plus que jamais le mettre sur l'établi. Ces deux femmes, leur histoire, c'est l'histoire de deux solitudes et où il est question effectivement à la fois de désir, comme vous dites. Peut-être resituer un peu le pitch du propos qui sera présenté sur scène. Le pitch, c'est dans la solitude des champs de coton, c'est l'histoire du croisement de deux êtres. L'un est un dealer, l'autre est un client. En tout cas, ils se nomment comme ça et ils vont se servir du discours pour essayer de savoir qu'est-ce que l'un peut dealer et ce que l'autre pourrait acheter. Et pour s'apercevoir finalement tout le long de la pièce que le suspense de savoir qu'est-ce que ces deux êtres vont s'échanger, bah, finalement, c'est la mécanique de simplement mettre, pourquoi pas mettre fin à l'autre à travers le discours, qui est la chose principale et qui sera au cœur de la pièce. Donc ça crée un suspense, je dirais, hallucinant de savoir mais qu'est-ce que ces deux êtres vont bien pouvoir s'échanger et pour s'apercevoir que finalement c'est mettre fin à l'autre. Oui, c'est ça, c'est obliger l'autre à se dévoiler et la tension, parce qu'il y a forcément une tension dans la pièce, la question est de savoir qui va tenir le coup et qui aura peut-être le dessus sur l'autre. On est dans l'expression et dans l'écriture autour de l'altérité, de la dualité, c'est ça ? C'est affaire de stratégie, tout ça ? C'est affaire de stratégie, de diplomatie. Il y a évidemment entre altérité, tous ces mots sont convoqués et essayés dans la relation et dans le discours. Et c'est ça qui nous met en haleine en tant que spectateur. C'est qu'à un moment donné, on croit tenir quelque chose et Coltès nous dit « Ok, non, mais finalement, cette piste, non, on va éclairer autre chose. » Et etc., etc., etc., tout le long de la pièce. Et ça, c'est fascinant. Ça, c'est vraiment fascinant. On assiste à une forme de joute verbale entre ces deux comédiennes. Oui. Évidemment que la langue de Coltès, elle est matière à cette joute-là. Elle est inouïe. Elle est puissante. Elle est imagée, poétique, politique, sensuelle. Et du coup, ce que vous appelez la joute, elle est pleinement remplie par. Alors, évidemment que pour avoir cette joute, il faut deux animaux, acteurs, actrices, fabuleux, et vraiment Anne Alvaro et Audrey Bonnet le sont. Alors du coup, c'est aussi ça, en tant que metteur en scène, on est un peu l'orchestrateur de quelque chose au plateau, et du coup, le compositeur qui est Bernard-Marie Coltès et les interprètes instrumentistes fabuleux que sont les deux comédiennes, ça donne cette chose que vous appelez la joute puissante, quoi. Mmh. C'est vrai. Vous qualifiez la langue de Bernard-Marie Coltès de somptueuse. Vous pouvez vous expliquer ? Elle est somptueuse en ça qu'elle est riche, elle est complexe dans le sens de dire qu'elle a la possibilité d'inviter tout le monde dans des degrés de perception divers. Et je trouve que c'est ça le maître mot du respect absolu qu'on a pour cet auteur et de comment il arrive à capter tout le monde, celui qui a envie de s'arrêter et d'en rentrer en profondeur dans les mots, celui qui a envie de rester en superficialité, il le capte aussi. Vous savez, quand on a répété cette pièce, on était dans le centre commercial de La Part-Dieu à Lyon et le centre commercial continuait à vivre et beaucoup de gens qui s'arrêter sur le passage, écouter avec nous quelques fragments, ou alors simplement des gens qui étaient là parce qu'ils n'avaient pas où aller, parce qu'ils étaient sans domicile fixe, etc. Et on voyait très bien que chacune et chacun attrapait des choses très différentes d'une langue, et qu'elle est somptueuse à cet endroit-là, c'est qu'elle est en respect total de la totalité des gens qui peuvent venir à elle. Et alors ça crée une sorte de respect absolu, et ça me l'a fait déclarer somptueuse, du coup. Relation à l'autre, désir, on parlait tout à l'heure même de stratégie, séduction, intimidation, et évidemment dans les relations humaines, je crois qu'on peut aussi le vérifier dans ce texte de Coltès et dans cette mise en scène, il sera question de ruse, de mauvaise foi, il y a toute une tension dramatique autour de ce désir, désir. Oui, du désir et d'une possible définition de ce qu'on pourrait appeler l'amour, au fond, qui est cette grande chose sous-jacente. Vous savez, Coltès a fait remonter cette phrase de Lacan sur la définition de l'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Et c'est cette ambiguïté-là qui crée évidemment la possibilité de toujours nourrir ce champ de la relation à l'autre. Et je dirais que c'est exactement à cet endroit-là que la mécanique, le piège, si je puis dire, de Coltès fonctionne admirablement bien. Venons-en aux interprètes. Je disais tout à l'heure, deux femmes, deux comédiennes exceptionnelles, Anne Alvaro et Audrey Bonnet. Quelques mots à leur propos ? Ce sont deux personnes très différentes, d'ailleurs parce que la pièce le nécessite. De générations différentes, d'endroits de carrière différentes, d'apprentissage et de la relation au théâtre aussi qui sont différentes. Anne Alvaro, c'est peut-être pas vraiment nécessaire de la présenter, on l'a vu beaucoup au cinéma, beaucoup au théâtre, évidemment elle a eu des Molières, de César, elle a été récompensée, c'est un des socles de notre culture théâtrale française et au-delà. Et là, elle s'empare du dealer comme... avec arrogance, avec plénitude, avec force, et elle se déploie, je dirais, encore plus, et si elle avait besoin de se déployer encore plus, on ne sait pas jusqu'où elle va aller, mais en tout cas, c'est une évidence. Audrey Bonnet, en face, est une personne beaucoup plus jeune, beaucoup plus frontale, beaucoup plus incisive, avec une vision du théâtre radicale, mais à la fois pleine et forte. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup avec Pascal Rambert, qui fait un chemin national et international depuis quelques années. On l'a vu récemment aussi dans Le Jeanneau Boucher, mis en scène par Romeo Castellucci à l'Opéra de Lyon. Bon, voilà, si on veut essayer d'essayer de biographier un petit peu ces deux personnes, C'est à la fois de feu et de glace. Et donc vraiment intense, vraiment. Avec des tempéraments, effectivement, qui seront au service du théâtre et de cette Absolument. Pièce en particulier. Il est question d'une scénographie musicale pour la forme. Absolument. Donc si on revient au début de notre interview et sur cette possible relation à l'intime, hein, dont on vient de parler longuement, sur la question du désir, etc. Moi, j'avais une envie, c'était parce que Coltès le nomme dans ses écrits sur le théâtre, il se dit que les mots et la représentation doivent sortir du rituel frontal du théâtre à l'italienne, etc. Il en a le désir, et on a tous en mémoire, puisqu'on en parlait en filigrane à l'instant, c'est la version de Patrice Chéreau qui l'a essentiellement joué dans des usines ou dans des espaces non théâtraux, qui d'ailleurs la scénographie était une sorte de bifrontalité. Donc ça veut dire que de sortir les mots de cet intime dans l'espace public m'a intéressé profondément. Du coup, dans chaque lieu de représentation, ce sont des lieux différents. Ils sont des centres commerciaux la nuit, ils peuvent être des stades de football, des arrière-cours de théâtre, des parkings, de la rue, et puis des lieux, on va dire, bicéphales. Ça commence à un endroit et ça continue dans un autre endroit, et c'est exactement ce qu'on va retrouver à Cergy. Sans vous dévoiler le rituel dans la totalité de la représentation, chaque spectateur sera muni d'un casque audio avec la possibilité de pouvoir régler son espace de dynamique personnelle à travers un petit bouton, et va suivre à la manière aussi du cinéma, c'est-à-dire en ayant la voix au plus proche du creux de l'oreille, mais en étant invité à tisser ce parcours du magnétisme entre un dealer et un client. Tout ça pour finir, pour on va dire, sans dévoiler, c'est démarrer dans l'espace public et finir dans un écran où le discours peut se resserrer de l'une envers l'autre. Ouais, tout cela aussi également pour rentrer dans l'intime des mots de Coltès. Et j'ai pu lire que les voix sont envoûtantes, effectivement, par rapport aux deux comédiennes qu'on a présentées. On entendra effectivement le moindre chuchotement, le moindre murmure, jusqu'au froissement de leurs vêtements. C'est dire que là, on est au cœur de l'intime. Absolument. Et moi, je suis très jaloux aussi, jaloux avec respect et bonheur des possibilités du croisement avec les autres arts, je pense au cinéma. On est très proche de ça, d'ailleurs dans les répétitions avec Anne Alvaro, on a beaucoup parlé de plans, de travelling, de chant et de contre-chant, parce qu'on a comme au cinéma la possibilité d'avoir un dealer à 150 mètres et de l'entendre parler comme s'il était au creux de son oreille. Alors du coup, on retrouve aussi des phénomènes de perception qui reconvoquent à la manière du spectacle vivant ce champ de l'intime. Oui, c'est vrai que ça peut être à la fois vécu comme du théâtre sonore de l'intime, mais également, puisque vous vous exprimez sur une antenne de radio, on est proche de l'art radiophonique, finalement, on est également. Absolument, absolument très proche de l'art radiophonique. D'ailleurs, la structure, il faut la citer parce que c'est important, de création musicale, qui est le Centre National de Création Musicale, la Muse en Circuit, qui est détentrice du système et qui a inventé ce système des 200 casques pour chaque spectateur, est une société qui a été fondée par un compositeur qui est Luc Ferrari, qui est donc cet inventeur de ce qu'on appelle le Hörspiel à la française, c'est-à-dire du jeu pour les oreilles, et on est proche de ce que vous appelez à l'instant et qui est une référence pour nous, qui est le poème radiophonique. Un grand merci à vous, Roland Houzet. Je rappelle à nos auditeurs que ce spectacle, dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Coltès avec Anne Alvaro et Audrey Bonnet, c'est à l'affiche à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise, le vendredi 21 avril et le samedi 22 avril également, à 20h30. Deux représentations à ne pas manquer. Mille merci à vous. Je vous remercie mille fois. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.